Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. En tant que salarié de l'entreprise UTAC, c'est toujours un vrai privilège d'avoir accès à des modèles d'exception. Ah bah ça, clairement. Et aujourd'hui, l'attention se porte sur une pépite qui est actuellement mise en vente par UTAC. Il s'agit d'une Mazda 3 de 186 chevaux en finition Exclusive Line de 2023. Avec tout juste 32 400 km au compteur d'ailleurs. C'est ça, à peine rodée. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre ensemble pourquoi cette voiture précise fascine autant et comment elle parvient à s'imposer comme un véritable manifeste technologique et esthétique. C'est un modèle particulièrement intéressant à décortiquer. Et ce qui saute aux yeux en premier, avant même de soulever le capot, c'est la carrosserie. Le choc visuel. Indéniable. Le design extérieur annonce tout de suite la couleur. Concepteur appelle le « Soul Red Crystal ». Chez Mazda, la création de cette teinte a viré à l'obsession pure et simple. C'est une peinture tricouche, c'est ça ? Exactement, extrêmement complexe. La petite anecdote, c'est que pour développer ce rendu, les ingénieurs ont longuement étudié la manière dont la lumière du soleil frappe les muscles d'un athlète en plein effort. C'est fou comme démarche. Et le résultat donne effectivement une couleur super livante. À l'ombre, on perçoit une profondeur presque bordeaux, très élégante. Ouais. Et en plein soleil, la carrosserie semble s'illuminer de l'intérieur, ce qui sublime les courbes du fameux design Kodo. Le contraste est vraiment saisissant. C'est visuellement superbe. Mais ce qui fait vraiment débat chez les passionnés, c'est ce qui se cache sous cette robe spectaculaire. Le constructeur parle d'un moteur impossible. Oui, le fameux moteur impossible. Du coup, c'est un simple argument marketing ou y a-t-il une véritable révolution mécanique avec ce bloc 2.0 E-Skyactiv X ? Il y a une vraie révolution. L'innovation repose sur le système SPCCI. Alors, pour décrypter cet acronyme technique, c'est un allumage par compression contrôlé par étincelle. En d'autres termes, cette architecture permet de compresser le mélange air-essence presque à la manière d'un moteur diesel. D'accord. Avant qu'une petite étincelle vienne déclencher une combustion parfaite. L'idée, c'est donc de prendre le meilleur des deux mondes. C'est tout à fait ça. Et c'est exactement le genre de casse-tête d'ingénierie qu'on adore analyser en interne chez UTAC. Réussir à allier des normes d'émission toujours plus strictes avec un vrai plaisir de conduite. Exactement. Ce moteur offre le grand silence de fonctionnement et la nervosité d'une motorisation essence, tout en conservant le couple abondant et l'efficacité énergétique d'un diesel. Ce qui se traduit sur l'asphalte par une réserve de puissance immédiate. Et c'est couplé à une boîte automatique d'une grande douceur. Très douce, oui. C'est très sécurisant pour effectuer des dépassements en toute confiance, avec une consommation de carburant qui reste étonnamment basse pour une cavalerie de 186 chevaux. Le compromis est redoutable. Une mécanique silencieuse et efficiente, donc. Mais est-ce que ce côté serein se prolonge une fois à l'intérieur ? La finition Exclusive Line promet une expérience haut de gamme. Complètement. L'habitacle est conçu comme un véritable sanctuaire premium. L'ergonomie est minutieusement sculptée autour du poste de pilotage. Chaque commande tombe sous la main. Voilà, chaque écran est parfaitement placé, avec bien sûr le confort indéniable des sièges chauffants. Mais ce qui marque vraiment, c'est l'intégration technologique au service de la tranquillité d'esprit du conducteur. Oui, je pense notamment à la caméra 360 degrés. Précisément. Son rendu offre une netteté bluffante. C'est un équipement technologique absolument indispensable aujourd'hui. Surtout pour les créneaux. Surtout, oui. Il s'avère redoutable pour protéger une carrosserie dotée d'une peinture tricouche aussi exigeante lors des manœuvres complexes en milieu urbain. C'est rassurant. Et il faut aussi souligner le travail très poussé sur l'isolation acoustique. On se retrouve véritablement dans une bulle de calme. Un environnement feutré. Qui devient le cadre parfait pour exploiter toutes les nuances du système audio haute fidélité embarqué. L'insonorisation a effectivement fait l'objet d'un soin maniaque, ce qui renforce vraiment cette sensation de bien-être total à bord. En résumé, cette Mazda 3, visiblement choyée et dans la fleur de l'âge, avec son très faible kilométrage, représente le sommet du catalogue actuel du constructeur. C'est certain! C'est le choix parfait qui allie une esthétique envoûtante, des technologies de pointe et de réelles performances. Et toute l'équipe d'UTAC est extrêmement fière de proposer ce véhicule à la vente aujourd'hui. D'un point de vue purement analytique, l'étude de la réussite de ce fameux moteur impossible démontre de manière fascinante que les limites de l'ingénierie mécanique classique peuvent encore et toujours être repoussées pour redéfinir complètement l'avenir de la conduite automobile. À bientôt!